Anecdote de Floréal en deux de Anatole France. À Mademoiselle Jeanne Cantel. Chapitre 1. Le guichetier a refermé la porte de la maison d'arrêt sur la ci-devant comtesse Fanny d'Avenay, appréhendée par mesure de sûreté générale, comme dit le registre des écrous. Mais en réalité, pour avoir donné asile à des proscrits. La voilà dans le vieux bâtiment où jadis les solitaires de Port-Royal goûtaient en commun la solitude et dont on a pu faire une prison sans n'y rien changer. Assise sur une banquette, pendant que le greffier inscrit son nom, elle songe. « Pourquoi ces choses, mon Dieu? Et que voulez-vous de moi ? » Le porte-clés a l'air plus bourru que méchant, et sa fille, qui est jolie, porte à ravir le bonnet blanc avec la cocarde et les nœuds aux couleurs de la nation. Cet homme conduit Fanny dans une grande cour, au milieu de laquelle est un bel acacia. Elle attendra là qu'il lui ait préparé un lit et une table dans une chambre où l'on a déjà renfermé 5 ou 6 prisonnières, car la maison est encombrée. En vain, elle verse chaque jour son trop-plein au tribunal révolutionnaire et à la guillotine. Chaque jour, les comités l'emplissent de nouveau. Dans la cour, Fanny voit une jeune femme occupée à graver un chiffre sur l'écorce de l'arbre et reconnaît Antoinette d'Auriac, son amie d'enfance. « Toi ici, Antoinette ? Toi ici, Fanny ? Fais mettre ton lit près du mien. Nous aurons bien des choses à nous dire. » « Bien des choses, oui. Et monsieur d'Auriac, Antoinette ? Mon mari ? Ma foi, ma chérie, je l'avais un peu oublié. C'était injuste. Il a toujours été parfait pour moi. Je pense qu'en ce moment, il est en prison quelque part. Et que fais-tu là, Antoinette ? Chut ! Quelle heure est-il ? S'il est 5 heures, l'ami dont j'unis sur cette écorce le nom au mien n'est plus de ce monde, car il a passé à midi au tribunal révolutionnaire. Il se nommait Jesserin et était volontaire à l'armée du Nord. Je l'ai connu dans cette prison. Nous avons passé ensemble de 12 heures au pied de cet arbre. C'était un jeune homme de mérite. Mais il faut que je m'occupe de t'installer ici, ma belle. » Et saisissant Fanny par la taille, elle l'entraîna dans la chambre où elle avait un lit. Et elle obtint du porte-clés qu'il ne sépara pas les deux amis. Elles convinrent de laver ensemble, dès le lendemain matin, le carreau de leur chambre. Le repas du soir, servi maigrement par un gargotier patriote, se prenait en commun. Chaque prisonnier apportait son assiette et son couvert de bois. Il était interdit d'en avoir en métal. Et recevait sa portion de porc aux choux. Fanny vit à cette table grossière des femmes dont la gaieté l'étonna. Comme madame d'Auriac, elles étaient coiffées avec étude et portaient de fraîches toilettes. Près de mourir, elles gardaient l'envie de plaire. Leur conversation était galante, comme leur personne, et Fanny fut bientôt instruite des intrigues qui se nouaient et se dénouaient sous les verrous, dans ces préaux sombres où la mort aiguillonnait l'amour. Alors, prise d'un indicible trouble, elle se sentit un grand désir de presser une main dans la sienne. Il lui souvint de celui qu'il aimait et à qui elle ne s'était pas donnée. Et un regret aussi cruel qu'un remords déchira son cœur. Des larmes ardentes comme la volupté roulèrent sur ses joues. À la lueur du lampion fumeux qui éclairait le repas, elle observait ses compagnes dont les yeux brillaient de fièvre et elle songeait. « Nous allons mourir ensemble. D'où vient que je suis triste et que mon âme est troublée, quand pour ces femmes la vie et la mort sont également légères ?» Elle pleura toute la nuit sur son grabat. Chapitre 2. Vingt longs jours monotones ont passé lourdement. La cour où les amants vont chercher le silence et l'ombre est déserte ce soir. Fanny, qui étouffait dans l'air humide des corridors, vient s'asseoir sur le tertre de gazon qui entoure le pied du vieil acacia dont la cour est ombragée. L'acacia est en fleurs et la brise qui le caresse en sort tout embaumée. Fanny voit un écriteau cloué à l'écorce de l'arbre au-dessous du chiffre gravé par Antoinette. Elle lit sur cet écriteau les vers du poète Vigée, prisonnier comme elle. Ici, des cœurs exempts de crimes, du soupçon docile victime, grâce aux rameaux d'un arbre protecteur, en songeant à l'amour, oubliaient leurs douleurs. Il fut le confident de leurs tendres alarmes. Plus d'une fois, il fut baigné de larmes. Vous, que des temps moins rigoureux amèneront dans cette enceinte, respectez, protégez cet arbre généreux. Il consolait la peine, il rassurait la crainte. Sous son feuillage, on fut heureux. Après avoir lu ces vers, Fanny resta songeuse. Elle revit intérieurement sa vie, douce et calme, son mariage sans amour, son esprit amusé de musique et de poésie, occupé d'amitié, riant sans trouble. Puis l'amour d'un galant homme qui lui avait inspiré de l'estime mais ne l'avait point troublée et dont elle sentait mieux le mérite dans le silence de la prison. Il l'avait vraiment aimée. Et songeant qu'elle allait mourir, elle se désola. Une sueur d'agonie lui monta aux tempes. Dans son angoisse, elle leva ses regards ardents au ciel plein d'étoiles et elle murmura en se tordant les bras « Mon Dieu, rendez-moi l'espérance !» À ce moment, un pas léger s'approcha d'elle. C'était Rosine, la fille du porte-clés, qui venait lui parler en secret. « Citoyenne, lui dit la jolie fille, demain soir un homme qui t'aime t'attendra sur l'avenue de l'Observatoire avec une voiture. Prends ce paquet, il contient des vêtements pareils à ceux que je porte. Tu t'en revêtiras dans ta chambre pendant le souper. Tu es de ma taille et blonde comme moi. On peut dans l'ombre nous prendre l'une pour l'autre. Un gardien qui est mon amoureux et que nous avons mis dans le complot montera dans ta chambre et t'apportera le panier avec lequel je vais aux provisions. Tu descendras avec lui par l'escalier dont il a la clé et qui conduit à la loge de mon père. De ce côté, la porte n'est ni fermée ni gardée. Il faut seulement éviter que mon père ne te voie. Mon amoureux se mettra le dos contre le carreau de la loge et il te parlera comme à moi. Il te dira « Au revoir, citoyenne Rose, et ne soyez plus si méchante. Tu t'en iras tranquillement dans la rue. Pendant ce temps, je sortirai par le guichet principal et nous nous rejoindrons toutes deux dans le fiacre qui doit nous emmener. » Fanny buvait, avec ses paroles, les souffles de la nature et du printemps. De toutes les forces de sa poitrine, gonflée de vie, elle aspirait la liberté. Elle voyait, goûtait son salut par avance. Et comme il s'y mêlait une idée d'amour, elle mit ses deux mains sur son cœur pour contenir son bonheur. Mais peu à peu, la réflexion, puissante chez elle, domina le sentiment. Elle fixa sur la fille du porte-clés un regard attentif et lui dit « Ma belle enfant, pour quelle raison vous dévouez-vous ainsi à moi que vous ne connaissez pas ?» C'est, lui répondit Rose, en oubliant de la tutoyer, « parce que votre bon ami me donnera beaucoup d'argent quand vous serez libre et qu'alors j'épouserai Florentin, mon amoureux. Vous voyez, citoyenne, que c'est pour moi que je travaille, mais je suis plus contente de vous sauver que d'en sauver une autre. « Je vous en rends grâce, mon enfant, mais pourquoi cela ?»« Parce que vous êtes mignonne et que votre bon ami a beaucoup de chagrin loin de vous. C'est convenu, n'est-ce pas ?» Fanny allongea la main pour saisir le paquet de hardes que Rose lui tendait. Mais retirant aussitôt le bras, « Rose, savez-vous que si on nous découvrait, ce serait la mort pour vous ?»« La mort ?» s'écria la jeune fille. « Vous me faites peur ? Oh non, je ne le savais pas. » Puis, déjà rassurée, « Citoyenne, votre bon ami saura bien me cacher. il n'est pas de retraite sûre à Paris. Je vous remercie de votre dévouement, Rose, mais je ne l'accepte pas. » Rose demeurait stupéfaite. « Vous serez guillotinée, citoyenne, et je n'épouserai pas Florentin. Rassurez-vous, Rose, je puis vous rendre service sans accepter ce que vous me proposez. Oh non, ce serait de l'argent volé. » La fille du porte-clés pria, pleura, supplia longtemps. Elle s'agenouilla et saisit le bord de la robe de Fanny. Fanny la repoussa de la main et détourna la tête. Un rayon de lune éclairait le calme de son beau visage. La nuit était riante, une brise passait. L'arbre des prisonniers, secouant ses branches odorantes, répandit de pâles fleurs sur la tête de la victime volontaire.